Salut à tous, je suis Sophia et je te présente Vénos, le podcast qui te guide pas à pas vers l'excellence de ton employabilité. C'est-à-dire, comment valoriser tes compétences individuelles, comment transformer ta carrière, comment évoluer professionnellement, en gros, comment chercher et trouver le travail que tu mérites. Si tu es ici, c'est que tu as déjà commencé à te poser les bonnes questions. Sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Vénos. Aujourd'hui, nous allons voir comment édifier, ou plutôt organiser son CV en 3 secondes. Je ne parle pas de 3 minutes ou de 3 heures, mais bien 3 secondes top chrono. De premier abord, cela peut paraître très utopiste, voire même infaisable. Mais rentrons un peu plus dans la théorie. Pour cela, il faut comprendre qu'en règle générale, un recruteur consacre environ au décryptage d'un CV 1 à 3 secondes pour un profil de type junior et 3 à 7 secondes pour un profil de type senior. Donc vous l'aurez compris, il ne s'agit pas ici de rédiger un CV en 3 secondes, loin de là, mais bien d'attirer l'attention en 3 secondes. Mais comment procéder méthodiquement? Pour cela, avant de rentrer dans la pratique, essayons nous-mêmes de nous mettre du point de vue de l'offre. Pour un poste donné, un recruteur peut parfois se retrouver avec une cinquantaine de candidatures. Il s'agit d'un travail monstre, d'autant plus qu'il doit le faire dans un délai imparti, restreint, et surtout le plus important, trouver le profil qui correspondra aux attentes de son client. Et c'est là que rentre en jeu notre fameux sésame, le CV. Vous l'aurez compris, au-delà du CV, bien d'autres moyens rentrent dans le process de sélection. D'ailleurs, de nouveaux podcasts à venir traiteront du sujet. Mais refocalisons-nous un peu sur notre CV. Il faut comprendre que pour un recruteur, celui-ci est l'outil qui lui permettra de faire sa première sélection. Donc, pour analyser un CV, un recruteur fonctionnera généralement en deux étapes. Dans un premier temps, il va se référer à ce que nous appellerons des mots-clés. C'est sur cette base de mots-clés qu'un premier tri s'effectuera, un tri qui ne lui prendra que 3 secondes. Et ce n'est seulement que dans un deuxième temps, le contenu détaillé, la forme, la mise en page rentreront dans le process de sélection. Donc tu l'auras compris, les mots-clés sont la base de bon CV. Et c'est sur cette base que nous allons travailler ensemble. Dans ce podcast, nous allons voir comment pré-mâcher le travail du recruteur et ainsi maximiser toutes nos chances afin d'attirer son œil là où il faut. Mais on pourrait se poser la question, d'où proviennent exactement ces mots-clés et surtout, comment les mettre en avant? Après avoir passé en revue une petite dizaine de CV pour un poste donné, je me suis rendu compte que sur le lot, à peine 3 avaient capté mon attention et répondaient mot pour mot à la demande du client, à savoir à son annonce. Donc vous l'aurez compris, l'annonce du recruteur est votre bible, votre lexique. En même temps, j'ai envie de vous dire pourquoi vouloir chercher de midi à 14h quand tout vous est servi directement sur un plateau. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est? Afin d'illustrer ce que je viens de dire, nous allons lire de façon synthétique une annonce à titre d'exemple, puis nous analyserons ensemble quels pourraient en être les mots-clés. Recherche pour un ingénieur data. Profil recherché plus compétences techniques. De formation Bac+5 minimum au sein d'une école d'ingénieurs ou d'informatique, votre créativité, votre curiosité et votre adaptabilité vous poussent vers de nouveaux challenges. Programmation, Python, JavaScript, SQL, C+, vous êtes organisé, méthodique et maîtrisez l'anglais couramment. Vous identifierez et traduirez les enjeux et besoins d'infrastructures, assurerez la capture, le stockage des données. Afin d'illustrer ce que je viens de dire, nous allons lire de façon synthétique une annonce à titre d'exemple, puis nous analyserons ensemble quels pourraient en être les mots-clés. Recherche pour un ingénieur data. De formation Bac+5 minimum au sein d'une école d'ingénieurs ou d'informatique, votre créativité, votre curiosité et votre adaptabilité vous poussent vers de nouveaux challenges. programmation, Python, JavaScript, SQL, C++. Vous êtes organisé, méthodique et maîtrisez l'anglais couramment. Vous identifierez et traduirez les enjeux et besoins d'infrastructures, assurerez la capture et le stockage des données. Passons maintenant en revue cette publication. De toute évidence, le recruteur de cette annonce recherche quelqu'un en capacité de programmer sous des langages bien spécifiques, en l'occurrence le Python, le JavaScript et le SQL. Il s'agit pour moi des mots-clés les plus importants de cette annonce. Puis nous avons la maîtrise de l'anglais et de formation Bac plus 5 minimum au sein d'une école d'ingénieur ou d'informatique. Ces deux critères doivent également figurer sur votre CV. Maintenant que nous avons identifié les mots-clés, reste encore à les placer de façon stratégique sur votre CV. Commençons déjà par l'en-tête de votre CV. J'ai remarqué bien des fois l'absence de titre. On y voit toutes sortes d'informations relatives au candidat, ce qui est bien, son nom, son âge, sa nationalité, mais rien sur le poste désiré. Cela ne devrait même pas exister. Comment voulez-vous annoncer la couleur du poste que vous visez s'il n'est même pas mentionné de base sur votre CV? Un titre explicite et clair vous donnera plus de crédibilité et surtout orientera le recruteur sur votre candidature. N'hésitez jamais à l'indiquer, même si vous n'en portez pas encore la casquette. À ce stade, pourquoi ne pas, par exemple, partir directement sur l'intitulé de l'annonce? Dans notre exemple, ce serait donc « ingénieur data ». On pourrait tenter de le personnaliser afin de lui donner plus de valeur, voire plus d'originalité, mais restons simples et efficaces, afin de ne pas perdre notre cible. N'oublions pas qu'avant tout, notre recruteur doit mordre à l'hameçon dès les premières lignes du CV. Puis nous arrivons sur la partie, selon moi, la plus importante du CV, la partie compétences. Alors cette rubrique, n'y allez pas de main morte. C'est ici que vous allez pouvoir ressortir tous les mots-clés identifiés, que tu considères bien sûr comme acquis, et bien d'autres compétences qui vous sont propres. On y retrouvera la liste des logiciels maîtrisés, les langues pratiquées et autres aptitudes en adéquation avec le poste visé. Inutile non plus de vous attarder sur le fait que vous soyez un as du traitement de texte, alors que le but est d'embaucher un profil maîtrisant une programmation bien spécifique. Cela serait hors contexte et n'aurait aucun sens. Dans notre cas par exemple, ce serait donc Python, JavaScript, SQL. Mettez également l'accent sur le niveau de maîtrise de votre anglais et n'oubliez surtout pas d'indiquer le nombre d'années d'expérience. Il est vrai que dans la rubrique « expérience professionnelle », tout y sera détaillé, mais n'oublions pas que plus le travail lui sera prémâché et synthétisé, et plus vous avez des chances qu'il lise toutes les informations capitales de votre CV. Et pour finir, au-delà des rubriques moins conventionnelles, nous avons la partie « expérience professionnelle ». Dans cette rubrique, il vous faudra détailler chacune de vos expériences en quelques mots. Indiquez par exemple le projet et les tâches effectuées en employant un vocabulaire valorisant, spécifique et propre au secteur. Ces quelques lignes devront retranscrire les compétences techniques recherchées par le recruteur. Exemple dans notre cas. Pour les aptitudes organisées, méthodiques et sûreté, cela pourrait très bien se traduire de la façon suivante. Élaboration d'architecture participant à la sécurisation et stockage des données, ou bien audit et apport de conseils techniques sur les besoins du client. Vous l'aurez compris, votre CV doit refléter un minimum des compétences techniques du poste visé. Bien entendu, il s'agit ici d'un exemple parmi tant d'autres. Gardez juste à l'esprit que votre CV doit être un warning pour le recruteur. D'ailleurs, pour les plus téméraires d'entre vous, je vous suggère un petit jeu entre amis. Prenez votre CV, faites-le faire un tour de table, 3 secondes par tête, et demandez à vos proches ce qu'ils en ont retenu. Si aucune des compétences techniques n'en ressort, c'est qu'elles ne sont pas suffisamment mises en valeur. Il ne vous reste plus qu'à recommencer jusqu'à ce que le résultat soit au rendez-vous. La leçon du jour à tirer de ce podcast est qu'un CV pertinent est avant tout un CV singulier. vous verrez que les résultats sont spectaculaires et surtout concrets. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Bravo et merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Tu le mérites. Si tu as aimé le format et le sujet abordé, n'hésite surtout pas à me faire savoir en me laissant 5 petites étoiles, voire même un commentaire dans l'interface de ton application. Toutes nouvelles idées et réflexions sont bonnes à prendre. Je ne manquerai pas de mener ma petite enquête sur le sujet et de te la faire partager avec passion. Si toi aussi tu es curieux d'en savoir un peu plus sur les bas-fonds de l'employabilité et que tu es désireux de comprendre comment mettre en avant ton potentiel professionnel, je te redirige sans plus attendre sur venos.fr. Là-bas, tu trouveras l'ensemble de mes podcasts, mes astuces, mes services, mes bonus, en gros, la boîte à Pandore qui te changera la vie. Donc à toi de jouer. Prends en main la boussole de ta carrière et je te dis à la semaine prochaine pour de nouveaux conseils sur Venos. Allez, tchuss !